ce n'est d'abord rien qu'une mélodie qui va bientôt devenir symphonie. C'est le repos, le calme après la fête, mais c'est bientôt la foudre et la tempête. Elle est si belle et si belle, c'est comme un mirage. Elle est si douce, sa bouche, c'est un fruit sauvage. Elle est troublante, changeante, mais toujours la même. Elle est fidèle, rebelle, c'est elle que j'aime. Ce n'est d'abord qu'un tout petit nuage qui va bientôt se changer d'orage. C'est un ruisseau qui joue et vagabonde, et c'est bientôt un océan qui gronde. Elle est si belle, si frêle, c'est comme un mirage. Elle est si douce, sa bouche, c'est un fruit sauvage. Elle est troublante, changeante, mais toujours la même. Elle est fidèle, rebelle, c'est elle que j'aime. Elle est si belle, si frêle, c'est comme un mirage. Elle est si douce, sa bouche, c'est un fruit sauvage. Elle est troublante, sans